Elle avait dans ses cheveux rouges, à son chignon, une aiguille terminée par une boule de verre, imitant l'émeraude. Et elle portait, malgré son deuil, tant son mauvais goût était naïf, des pantoufles en paille, garnies de satin rose, que j'étais vulgaire, achetées sans doute dans quelque foire. Il s'en aperçut et l'en complimenta ironiquement. « Ne vous moquez pas de moi, » reprit-elle. Puis, le considérant tout entier, depuis son chapeau de feutre gris jusqu'à ses chaussettes de soie, « Comme vous êtes coquet. » Ensuite, elle pria qu'il lui indique des ouvrages à lire. Il en nomma plusieurs et elle dit « Oh, comme vous êtes savant. » Toute petite, elle s'était prise d'un de ces amours d'enfant qui ont à la fois la pureté d'une religion et la violence d'un besoin. Il avait été son camarade, son frère, son maître, avait amusé son esprit, fait battre son cœur et versé involontairement jusqu'au fond d'elle-même une ivresse latente et continue. Puis il l'avait quittée, en pleine crise tragique, sa mère à peine morte, les deux désespoirs se confondant. L'absence l'avait idéalisée dans son souvenir. Il revenait avec une sorte d'auréole, et elle se livrait ingénument au bonheur de le voir. Pour la première fois de sa vie, Frédéric se sentait aimé. Et ce plaisir nouveau, qui n'excédait pas l'ordre des sentiments agréables, lui causait comme un gonflement intime, si bien qu'il écarta les deux bras en se renversant la tête. Un gros nuage passait alors sur le ciel. « Il va du côté de Paris, » dit Louise. « Vous voudriez le suivre, n'est-ce pas ?»« Moi, pourquoi ?»« Qui sait ?» Et, le fouillant d'un regard aigu, « Peut-être que vous avez là-bas, » elle chercha le mot, « quelque affection. »« Eh, je n'ai pas d'affection. »« Bien sûr. » Mais oui, mademoiselle, bien sûr. En moins d'un an, il s'était fait de la jeune fille une transformation extraordinaire qui étonnait Frédéric. Après une minute de silence, il ajouta: Nous devrions nous tutoyer, comme autrefois. Voulez-vous? Non. Pourquoi? Parce que. Il insistait. Elle répondit, en baissant la tête: Je n'ose pas. Ils étaient arrivés au bout du jardin, sur la grève du Livron. Frédéric, par gaminerie, se mit à faire des ricochets avec un caillou. Elle lui ordonna de s'asseoir. Il obéit. Puis, regardant la chute d'eau, c'est comme le Niagara,